Book 2 اثنان 2 2 العائلة La famille La famille الجد Le grand-père Le grand-père الجدة La grand-mère. La grand-mère. هو وهي. Lui et elle. Lui et elle. الأب. Le père. Le père. الأم. La mère. La mère. هو وهي. Lui et elle. Lui et elle. الابن. Le fils. Le fils. الابنة. La fille. La fille. هو وهي. Lui et elle. Lui et elle. الاخ. Le frère. Le frère. الأخت. La sœur. La sœur. هو وهي. Lui et elle. Lui et elle. العم أو الخال. L'oncle. L'oncle. العمة. أو الخالة. La tante. La tante. هو وهي. Lui et elle. Lui et elle. نحن عائلة. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. العائلة ليست صغيرة. La famille n'est pas petite. La famille n'est pas petite. العائلة كبيرة. La famille est grande. La famille est grande.